بسم الله الرحمن الرحيم. ندخل اليوم في الحديث 22 بعد المئة، 122 حديث. توجور كونسيرن سبات دو ويتر. يقول المؤلف رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها قالت: من كل ليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أول الليل وأوسطه وآخره فانتهى وتره إلى السحر. دونك عائشة رضي الله عنها dit que le Nabi صلى الله عليه وسلم faisait le witr à tout moment de la nuit, que cela pouvait être en début de nuit, en moitié de nuit ou en fin de nuit, à tel point qu'il finissait à l'heure du sahur, l'heure où, par exemple, on prend le repas avant le lever de l'aube pour celui qui jeûne. Naam. Donc, comme vous le voyez, salat, le witr, ça peut être nommé pour toute la salat du qiyam, même si on fait une rakat, 3, 5, 7, 9, 11, 13, tout cela est nommé également witr. Wa tahajjud. وقيم الليل وهكذا. Tout cela revient à la même chose. Sauf que le witr, lorsqu'il est précisé, on peut également vouloir par là la dernière rak'at, la fin du nombre impair de cette salat de nuit. Ar-Rawi, le rapporteur, c'est Aïcha, radiallahu anha, dont on l'a déjà parlé auparavant dans sa tarjama. Yaqul mawdu al-hadith, le sujet du hadith, bayan mata yutir min al-layl. À quel moment doit-on en yutar min al-layl, à quel moment peut-on faire le witr, hein, dans la nuit? يقول في الشرح الإجمالي, l'explication globale du hadith, تخبر عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها عن الوقت الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الوتر فيه من الليل وأنه لا يتقيد بساعة دون أخرى. Donc Aïcha nous informe à quel moment le Nabi صلى الله عليه وسلم faisait son witr dans la nuit, et que cela n'est pas limité à une heure particulière, en dehors d'une autre. Fa fi kulli sa'atin al-layl, kana yutir. Donc, à tout moment de la nuit, il pouvait faire son witr. Ahyanan min awwalihi, hina yusalli al-isha, wa ma sha'a Allah ba'daha. Wa ahyanan min awsatihi, ba'd madhi thuluthihi al-awwal. Wa ahyanan min akhirihi, hina yamdi thuluthahu. Donc, parfois, il le faisait en début de nuit, après le Isha, directement. Il faisait le Isha, après les deux rakat, ratibah du Isha, et ensuite le witr, directement. Et parfois, il le faisait en milieu de nuit, après que le premier tiers de la nuit soit passé. Et parfois, il le faisait en fin de nuit, après que le deux tiers de nuit soit passé. Donc, il n'y a pas un moment qui soit plus sunnah qu'un autre, pour la salat de nuit. Sauf qu'il est connu que Allah Azzawajal descend lors du dernier tiers de la nuit, d'où les invocations sont exaucées, comme de la hadith d'Abu Huraira. Donc cela a plus de mérite. Mais en réalité, d'accord, la sunna n'est pas limitée à ce moment-là. La sunna de faire le witr à n'importe quel moment, d'après l'Isha jusqu'à avant le lever de l'aube. Et cela facilite à beaucoup de personnes. Comme le Nabi sallam avait conseillé Abu Huraira, quand il a awsani khalili, hein, bi an utir qabl anam wa an usalli rak'atayn min ad-duha. Dans un hadith où il a dit que mon khalili, mon plus aimé, m'a recommandé de faire mon witr avant de dormir, c'est-à-dire après l'Isha, et de faire deux rak'at du duha. Non. Thumma yaqul fi fawaid al-hadith, enseignement du hadith. جواز الوتر في أول الليل وأوسطه وآخره لكن آخره أفضل لمن تبع أن يقوم. Donc il a dit qu'il est permis de faire le witr en début ou en moitié ou en fin de nuit. Cependant, la fin de nuit est meilleure pour celui qui a espoir de pouvoir se lever, car tout le monde n'arrive pas forcément à se lever à ce moment-là. ثانيا أن وقت الوتر من صلاة العشاء إلى طلوع الفجر. Et que le temps du witr, justement, c'est après, à partir du Isha, après l'Isha, jusqu'à la levée de l'aube. Et comme cela est venu dans le hadith de Aïcha, que celui, par exemple, qui avait pour habitude de faire son witr et qui n'a pas pu, pour une raison, maladie ou grande fatigue ou autre, une excuse, فَلَهُ أَنْ يُصَلِّيَ هَذَا الْوِتْرَ مِمَّا بَيْنَ الشُّرُوقِ وَالزَّوَالِ, qui peut faire cette salat-là, en fait, d'après le lever du soleil jusqu'avant le zénith. Et il doit, par contre, cette salat-là, il ne la fait pas en nombre impair, il la fait en nombre pair. Par exemple, s'il avait l'habitude de faire 3 rakat de nuit, il en fait 4. S'il a l'habitude de faire 5 rakat, il en fait 6. S'il a l'habitude de faire 7 rakat dans la nuit, il en fait 8. Ainsi de suite. Par le 8, ce n'est que pour la nuit. Ou le maghreb. Non. Donc celui qui n'a pas pu faire son witr, il peut le rattraper, cela sera compté comme étant une récompense équivalente. Bifadlillahi ta'ala. Hadha ladhi khadna al-yawma min al-hadith. Walhamdulillahi rabbil alamin.